La signalisation de l'intersection est composée d'un feu tricolore sur lequel est fixé un panneau de céder le passage. Bien retenir que le panneau de priorité n'est à prendre en compte que lorsque les feux ne fonctionnent pas ou sont au clignotant jaune. Ce n'est pas le cas ici. Le feu est vert. Il faut faire comme si le panneau n'existait pas. Je vais tout droit. Je peux passer. La voiture en face a elle aussi le feu vert, mais elle tourne sur sa gauche. Elle ne doit pas me couper la route.